temps qu'on se connaît et que j'entends tous tes secrets. Marre d'être qu'un confident quand je rêve d'être ton amant. T'as rien à faire de mes envies. Toi tu préfères qu'on reste amis. Marre de jouer ce rôle pour que tu pleures sur mon épaule. Moi je voudrais te séduire et qu'enfin tu chavires et partages mon désir. Est-ce qu'on pourrait pour une fois clôturer les débats par une session débat? À tous les coups, même scénario, bisous la joue, dodo solo. Marre que tu me considères comme si j'étais ton grand frère. Moi, aux liaisons platoniques, je préfère la musique, des relations physiques. Quitte à t'entendre gémir et pousser des soupirs, que ce soit de plaisir. Entre nous deux, même si ça te choque, ouvre les yeux. Cesse de meurtrir mon cœur, succombe et goûte mes ardeurs. Moi, je voudrais te séduire et qu'enfin tu chavires et partages mon désir. À t'entendre gémir et pousser des soupirs, que ce soit de plaisir.